Livre 2, de l'argent. Chapitre 1, le trésor de guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Bismarck. Les camarades, le lendemain, en se rendant à l'école, apprirent lambeau par lambeau l'histoire du père Zéphirin. Le village, tout entier en rumeur, commentait joyeusement les diverses phases de cette bachique équipée. Seul le héros principal, ronflant d'un sommeil d'ivrogne, ignorait encore les dégâts commis dans son ménage et les coups de mine dont sa conduite de la veille avait sapé sa réputation. Dans la cour de l'école, le groupe des grands, le braque au centre, se tordait de rire, chacun racontant très haut, pour que le maître entendît, tout ce qu'il savait des histoires scabreuses qui couraient les rues. Et tous insistaient avec force sur les détails salaces et verts, la marmite et le lit. Ceux qui ne disaient rien riaient de toutes leurs dents et leurs yeux orgueilleux luisaient d'un feu vainqueur. Car ils songeaient qu'ils avaient tous plus ou moins coopéré à ces équitables et dignes représailles. Ah, ils pouvaient gueuler maintenant, Zéphirin. Quel respect voulez-vous qu'on porte à un type qui se saoule si tellement qu'on le ramasse plein comme une vache dans les fosses à purins de la commune et perd la tramontane à un tel point qu'il en vient à considérer son lit comme une pissotière et à prendre sa marmite pour un pot de chambre. Seulement, en sourdine, les plus grands, les guerriers importants, sollicitaient des explications et réclamaient des détails. Bientôt tous connurent la part que chacun des huit avait eue dans l'œuvre de vengeance. Ils surent ainsi que le coup des arrosoirs et celui des allumettes étaient de Camus, Tintin guettant l'arrivée et le signal de Gambette, et que les grosses opérations étaient les fruits de l'imagination de Lebraque. Le vieux s'apercevrait encore plus tard que le vin restant dans sa bouteille avait un goût de pétrole. Il se demanderait quel cochon de chat avait mis le nez dans son bol de cancoyotte et pourquoi ce reste de fricot d'oignon était si salé. Oui, et ce n'était pas tout. Qu'il recommença seulement pour voir, à ennuyer Lebraque et sa troupe, et on lui réserverait quelque chose de mieux encore et de plus soigné. Le chef ruminait, en effet, de lui boucher sa cheminée avec de la marne, de lui démonter sa charrette et d'en faire disparaître les roues, de venir lui râper la tuile tous les soirs pendant 8 jours, sans compter le pillage des fruits de son verger et la mise à sac de son potager. « Ce soir, conclut-il, on sera tranquille. Il n'osera pas sortir. D'abord, il est tout beugné d'avoir piqué des têtes dans les rigoles, et puis il a assez de travail chez lui. Quand on a de la besogne chez soi, on ne fourre pas le nez dans celle des autres. « Est-ce qu'on va se remettre encore à poil ?» questionna Boulot. « Mais puisque nous ne serons pas embêtés, fit Lebraque, bien sûr. « C'est que... » hasardèrent plusieurs voix. « Mon vieux, tu sais... Il ne faisait guère chaud hier au soir. On en était tout rengremésillé avant la charge. J'avais la peau comme une poule déplumée, moi, déclara Tintin. Et le zizi qui fondait si tellement qu'il en avait pu. Et puis les Vélerans ne veulent pas venir ce soir. Hier, ils ont trop eu le trac. Ils ne savaient pas ce qui leur arrivait dessus. Ils ont cru qu'on tombait de la lune. C'était pas ce qui manquait, les lunes, remarqua la Crique. Sûrement que ce soir, ils vont muser à ce qu'ils pourraient bien trouver et on serait pour se moisir là-bas sur place. Si Bédouin ne vient pas ce soir, il peut venir quelqu'un d'autre. Il a dû blaguer chez Fricot, et on risque bien plus encore de se faire piger. Tout le monde n'est pas aussi décati que le garde. Et puis, nom de Dieu, non, je ne me bats plus à poil, articula Gueruyas, levant carrément l'étendard de la révolte, ou tout au moins de la protestation irréductible. Chose grave, il fut appuyé par de très nombreux camarades qui s'en étaient toujours remis docilement aux décisions de Lebraque. La raison de ce désaccord, c'est que la veille, au cours de la charge, en plus du froid ressenti, il s'était en outre qui plantait une épine dans le pied, qui écorchait les orteils sur des chardons ou blessait les talons en marchant sur des cailloux. Bientôt, toute l'armée bancalerait. Ce serait du propre. Non, vraiment, ce n'était pas un métier. Lebraque, seul, ou presque, de son opinion, dut convenir que le moyen qu'il avait préconisé offrait en effet de notoires inconvénients et qu'il serait bon d'en trouver un autre. « Mais lequel ? Trouvez-en, puisque vous êtes si malin » reprit-il. Vexé au fond du peu de succès enduré qu'avait eu son entreprise. On chercha. « On pourrait peut-être se battre en manches de chemise ?» proposa la Crique. « Les blouses au moins n'auraient pas de mal, et avec des ficelles pour les souliers et des épingles pour le pantalon, on pourrait rentrer. Pour te faire punir le lendemain par le père Simon qui dira que tu as une tenue débraillée et qui en préviendra tes vieux, hein ? Qui c'est qui te remettra des boutons à ta chemise et à ton tricot ? Et tes bretelles ?»« Non, c'est pas un moyen ça. Tout ou rien !» trancha Lebraque. Vous ne voulez pas de rien, il faut tout garder. Ah ! Fit la Crique. Si on avait quelqu'un pour nous recoudre des boutons et refaire les boutonnières. Et aussi pour te racheter des cordons, et des jarretières, et des bretelles, hein. Pourquoi pas pour te faire pisser pendant que tu y es ? Et puis torcher le jaco à monsieur quand il a fini de se vider le boyau gras, hein ? Ce qu'il faut, je vous le dis encore, Moana, puisque vous ne trouvez rien, reprit le braque. Ce qu'il nous faut, c'est des sous. Des sous ? Oui, bien sûr, parfaitement, des sous. Avec des sous, on peut acheter des boutons de toutes sortes, du fil, des aiguilles, des agrafes, des bretelles, des cordons de souliers, du lastique, tout ! Tout que je vous dis ! C'est bien vrai, ça, tout de même. Mais pour acheter ce fourbi que tu dis, il faudrait qu'on nous en donne beaucoup de sous. Peut-être ben 100 sous. Merde, une roue de brouette. Jamais on aura ça. Pour qu'on nous les donne d'un seul coup, sûrement non. Y a pas à y compter, mais écoutez-moi bien, insista le braque. Y aurait un moyen tout de même d'avoir presque tout ce qu'il nous faut. Un moyen que tu... Écoute donc, c'est pas tous les jours qu'on est fait prisonnier, et puis nous en rechipperons des petits méglalunes, et alors ? Alors ? Alors nous les garderons, leurs boutons, leurs agrafes, leurs bretelles, au peine-cul de Vélran. Au lieu de couper les cordons, on les mettra de côté pour avoir une petite réserve. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir pris, interrompit la crique, qui, bien que jeune, avait déjà des lettres. Si nous voulons être sûrs d'avoir des boutons, et nous pouvons en avoir besoin d'un jour à l'autre, le meilleur est d'en acheter. T'as des ronds ? Ironisa Boulot. J'en ai 7 dans une tirelire en forme de guernouille, mais il n'y a pas à compter dessus. La guernouille les dégobillera pas de sitôt. Ma mère sait combien qu'il y en a. Elle garde le fourbi dans le buffet. Elle dit qu'elle veut m'acheter un chapeau à Pâques ou à la Trinité. Et si j'en faisais couler un, je recevrais une belle dinguée. C'est toujours comme ça, bon Dieu, ragea Tintin. Quand on nous donne des sous, c'est jamais pour nous. Faut absolument que les vieux posent le grappin dessus. Ils disent qu'ils font de grands sacrifices pour nous élever, qu'ils en ont bien besoin pour nous acheter des chemises, des habits, des sabots, je sais-tu quoi. Mais je m'en fous de leur nippe. Je voudrais qu'on me les donne, mes ronds, pour que je puisse acheter quelque chose d'utile, ce que je voudrais. Du chocolat, des billes, du lastique pour une fronde, voilà. Mais il n'y a vraiment que ceux qu'on accroche par-ci par-là qui sont bien à nous. Et encore, faut pas qu'ils traînent longtemps dans nos poches. Un coup de sifflet interrompit la discussion, et les écoliers se mirent en rang pour entrer en classe. « Tu sais, confia Grangibus à Lebrac, moi j'ai deux ronds qui sont à moi et que personne ne sait. C'est Théodule Louvent qui est venu au moulin et qui me les a donnés parce que j'ai tenu son cheval. C'est un chic type, Théodule. Il donne toujours quelque chose. Tu sais bien, Théodule le républicain, celui qui pleure quand il est saoul. Taisez-vous, Adonis. » Grangibus était prénommé Adonis, fit le père Simon. « Ou je vous punis. » « Merde, » fit Grangibus entre ses dents. « Qu'est-ce que vous marmottez ?» reprit l'autre qui avait surpris le tremblement des lèvres. « On verra comme vous bavarderez tout à l'heure quand je vous interrogerai sur vos devoirs envers l'État. » « Dis rien, » souffla le braque. « J'ai une idée. » Et l'on entra. Dès que le braque fut installé à sa place, ses cahiers et ses livres devant lui, il commença par arracher proprement une feuille double du milieu de son cahier de brouillon. Il la partagea ensuite, par pliages successifs, en 32 morceaux égaux sur lesquels il traça, il condensa cette capitale interrogation. « As-tu un sou ?» Puis il mit sur chacun des 10 morceaux, dûment pliés, les noms des 32 de ses camarades, et poussant d'un coup de coude brusque Tintin, il lui glissa, subrepticement et l'une après l'autre, les 32 missives en les accompagnant de la phrase sacramentelle « Passe ça à ton voisin !» Ensuite, sur une grande feuille, il réinscrivit ses 32 noms, et pendant que le maître interrogeait, lui aussi, du regard, demandait successivement à chacun de ses correspondants la réponse à sa question, pointant au fur et à mesure, d'une croix, ceux qui disaient oui, d'un trait horizontal, ceux qui disaient non. Puis il compta ses croix, il y en avait 27. « Il y a du bon !» pensa-t-il. Et il se plongea dans de profondes réflexions et de longs calculs pour établir un plan dont son cerveau depuis quelques heures ébauchait les grandes lignes. À la récréation, il n'eut point besoin de convoquer ses guerriers. Tous vinrent de même immédiatement se placer en cercle autour de lui, dans leur coin, derrière les cabinets, tandis que les tout-petits, déjà complices, mais qui n'avaient pas voix délibérative, formaient en jouant un rempart protecteur devant eux. « Voilà !» Il y en a déjà 27 qui peuvent payer, et j'ai pas pu envoyer de lettres à tous. Nous sommes 45. Quels sont ceux à qui je n'ai pas écrit et qui ont aussi un sou à eux ? Levez la main. 8 mains se dressèrent. Ça fait 27 et 8. Voyons, 27 et 8. 28, 29, 30, fit-il en comptant sur ses doigts. 35 va, coupa la crique. 35, t'es bien sûr ? Ça fait donc 35 sous. 35 sous, c'est pas 100 sous, en effet, mais c'est quelque chose. Eh bien, voici ce que je propose. On est en République, on est tous égaux, tous camarades, tous frères. Liberté, égalité, fraternité. On doit tous s'aider, hein, et faire en sorte que ça marche bien. Alors on va voter comme qui dirait l'impôt. Oui, un impôt pour faire une bourse, une caisse, une cagnotte, avec quoi on achètera notre trésor de guerre. Comme on est tous égaux, chacun paiera une cotisation égale et tous auront droit, en cas de malheur, à être recousus et rarrangés pour ne pas être zonzenés en rentrant chez eux. Il y a la Marie de chez Tintin qui a dit qu'elle viendrait recoudre le fourbi de ceux qui seraient pris. Comme ça, vous voyez, on pourra y aller carrément. Si on est chauffé, tant pis. On se laisse faire sans rien dire et au bout d'une demi-heure, on rentre propre, reboutonné, retapé, requinqué. Et qui c'est qu'elle est con ? Zélévelran ! Ça, c'est chouette, mais des sous, on en a guère, tu sais, le braque. Ah, mais sacré nom de Dieu, est-ce que vous pouvez pas me faire un petit sacrifice à la patrie ? Seriez-vous des traîtres par hasard ? Je propose, moi, pour commencer et avoir tout de suite quelque chose, qu'on donne dès demain un sou par mois. Plus tard, si on est plus riche et si on fait des prisonniers, on ne mettra plus qu'un sou tous les deux mois. Mince, mon vieux, comme tu y vas ! T'es donc millionnaire, toi ? Un sou par mois ? C'est des sommes, ça ! Jamais je pourrais trouver un sou à donner tous les mois ! Si chacun peut pas se dévouer un tout petit peu, c'est pas la peine de faire la guerre. Vaut mieux avouer qu'on a de la purée de pommes de terre dans les veines et pas du sang rouge, du sang français, nom de Dieu. Êtes-vous des alboches, oui ou merde ? Je comprends pas qu'on hésite à donner ce qu'on a pour assurer la victoire. Moi, je donnerais même 2 ronds quand j'en aurai. Bon alors, c'est entendu, on va voter. Par 35 voix contre 10, la proposition de Lebrac fut adoptée. Votèrent contre, naturellement, les 10 qui n'avaient pas en leur possession le sou exigible. Pour ce qui est de vote à faire, trancha Lebrac. J'y ai pensé aussi. On réglera ça à 4 heures à la carrière à Peupiot, à moins qu'on aille à celle où ce qu'on était hier pour se déshabiller. Oui, on y sera mieux et plus tranquille. On mettra des sentinelles pour pas être surpris, au cas où par hasard, les Vélerans viendraient quand même. Mais je crois pas. Allez, ça va bien. Ce soir, tout sera réglé.